Ces balises signalent un virage dangereux? Réponse A. Une intersection à venir? Réponse B. La limite de la chaussée? Réponse C.